tu étais jeune, tu pensais pouvoir changer la face du monde. T'as pris une guitare et t'as crié dans ton garage des paroles de jeu. Des reprises, des Péruviers, des Sex Pistols et de Bernard Lavillier. Mais tu rêvais de salles remplies, tu rêvais de Bercy. Puis la grandissant grand succès, une trois concerts par an, mais en fait toi tu voulais remplir des stades et faire des tournées mondiales. Tu as tout sacrifié, mais combien d'élus pour combien d'appelés? Tu rêvais de succès, tu rêvais de stats complets. Sur ses pieds.